This is Tyrus from Impact Wrestling, and you're watching and listening to Wrestlers Radio. Bonsoir et bienvenue à tous en live pour Late Night Wrestles, un numéro consacré à l'édition 2015 du pay-per-view Elimination Chamber, enfin spécial event vu que c'est seulement sur WWE Network. C'est Pierre à l'antenne et donc au programme de ce soir, ce sera une analyse des événements et des matchs de la soirée de dimanche dernier. Pour m'accompagner, une troupe des plus complètes, la crème de la crème. Le premier, c'est le plus grand défenseur du WWE Network, c'est Seb. 999. Salut à toi. Au revoir à tous, je quitte la mission. Au revoir à tous. C'est ta nouvelle catchphrase, évidemment. Faut pas me lancer là-dessus, hein. Surtout pas. Oui, parce que vous pouvez voir sur FN Lutte, il a fait un post, tout. Enfin, il va absolument pas vous abonner. Et voilà. Le second n'arrive pas à faire le deuil de la carrière de Christian, c'est Bruce Lee. Vous allez comprendre quand il sera champion à WrestleMania et puis c'est tout, hein. J'ai pas dit quelle année par contre, mais bon. Sinon, il y a pas de problème. Hein. Salut à tous. Les envies de booking ont la vie dure. Pas loin de chez lui, enfin avec un peu de distance quand même à Toulon. Il guette l'occasion d'être de nouveau contre Seb ce soir, c'est Roux Benito. Bonsoir, ouais, pas loin de chez Bruce Lee, faut pas exagérer non plus, il y a juste 500 bornes. Faut mettre une certaine distance de toute façon avec Bruce Lee, sinon... Bonsoir à tous, et vive le 999. Évidemment. Enfin. En fait, Seb travaille pour la TNA en loose day, tout pour bousiller la WWE. Je t'en avais dit de pas le dire. Enfin, c'est le seul, l'unique, notre éternelle Bible, celui que la ville de Corpus Christi devrait vénérer comme le Seigneur lui-même, c'est Renaud. Salut à toi Renaud, ça me fait vachement plaisir de t'avoir ce soir. Bang ! Salut les amis, je suis super content d'être là. Je voulais plus faire le bang, mais je me suis dit, allez, faut que je le fasse ce soir. Bah voilà, t'as un peu plus rarement l'occasion d'être présent, oui. Mais bon. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci bien. C'est bien parce qu'on peut dire des conneries et il nous reprend pas, quoi. Ça, c'est cool. Et il peut carrément nous couper. Roux Benito adore me couper, c'est fantastique. Avant de se diriger vers la ville morte de Corpus Christi au Texas, lieu du pay-per-view, on se laisse quelques instants avec le Coming For You de The Offspring, qui est le thème song de l'édition. J'ai dit n'importe comment, The Offspring. In the back room, nothing to do. We're not bored, we're just sick of you. Nous revoici donc devant un public pas très actif hier soir, ce sera le cas de le dire, je pense qu'on va en reparler parce que c'était quand même assez particulier pour un pré-show, vraiment anecdotique, avec un match entre Stardust et Zack Ryder, un match remporté par le frère de Goldust en 6 minutes 12, je pense que personne n'a vu ce match, et je pense que personne n'a vraiment envie d'en parler parce qu'il est très anecdotique. Si on regardait sur AB1, c'était imposé de voir ce match, si on n'avait pas le choix. Donc... En effet, ouais, AB1 a diffusé le pré-show, c'est quand même assez rare pour être signalé. AB1 qui a réussi à avoir l'Elimination Chamber, ce qui n'était pas certain au début, vu que normalement c'était exclusif au WWE Network, si cher aux yeux de Sébastien. Et du coup, le plus important est venu après, avec un Miss TV consacré à Daniel Bryan. Daniel Bryan qui s'est fait un peu chahuteux par The Miz rapidement, qui s'est moqué de sa nouvelle pub pour 5-Hour Energy, je crois. Et Daniel Bryan en a profité pour dire que sa carrière n'était pas finie et que de toute façon, il serait bientôt de retour. Donc c'est une bonne nouvelle, enfin bientôt, c'est le temps de soigner cette blessure. On en avait déjà parlé lors du précédent podcast, on espère juste que le retour sera définitif la prochaine fois et plus entrecoupé d'une nouvelle blessure. On va passer tout de suite au show en lui-même avec la première Elimination Chamber de la soirée, concept que JBL a pris le temps d'expliquer pendant le pré-show. Un match tag team entre The New Day au grand complet, donc Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods, les trois pouvaient être là. Tyson Kidd et Cesaro, The Lucha Dragons, Primetime Players, Los Matadores accompagnés de ce cher El Torito, ainsi que The Ascension, un match qui s'est déroulé sur 23 minutes 57, qui a vu plusieurs types de domination. Une fois, c'était The Ascension qui a notamment éliminé en premier Los Matadores. Il y a eu après Tyson Kidd et Cesaro, et après c'était l'opposition entre Primetime Players et The New Day qui a conclu le match avec une victoire des trois hommes prêchant la positivité. Broussi, tiens, commencent donc les hostilités. Ouais, ça pouvait être un match intéressant. C'était la toute première fois, donc ils ont beaucoup dit que c'était que les titres par équipe étaient défendus dans l'Elimination Chamber, forcément. Et c'est vrai qu'on s'attendait à un bordel, mais finalement, à mon goût, il n'y a pas eu assez de bordel, je trouve. Enfin, le match a mis du temps à s'installer, ensuite il y a eu un bon rythme, mais il a fallu attendre à peu près l'élimination de The Ascension. Je trouve aussi très dommage déjà qu'avant, Lucha Dragon se soit sorti en n'ayant pas pu faire grand chose. À part Kalisto qui a fait deux trois jolis sauts, dont un du haut de la cage, et voilà, il y avait deux bonnes choses en deuxième partie de match, notamment comme d'habitude un bon travail de Cesaro aussi, mais qui a été éliminé un peu couillonnement, ça aussi j'ai pas trop aimé, par Darren Young, là c'était quand même un roll-up à la con quoi, j'aime jamais trop ça d'ailleurs les roll-up, mais voilà. Et puis à l'arrivée finalement c'était assez prévisible, là la grosse mêlée des New Day qui recouvre Tatus O'Neill pour le tomber, c'est logique, match quand même décevant pour ma part quoi. Un rug dont devrait s'inspirer l'équipe de France. pardon. Renaud, toi qui ne vas pas pouvoir faire de référence historique vu que c'était le premier Elimination Tag Team Match de l'histoire, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de bah, J'ai beaucoup aimé parce que déjà je pensais, ça fait déjà un moment que je me disais cette stipulation-là devrait avoir des matchs tag team parce que le Chamber est arrivé en 2002, en fin 2002, en novembre au Survivor Series. Et déjà à ce moment-là, même vers 2003, je me disais déjà, mon Dieu, il y a un potentiel énorme avec cette stipule parce qu'il y avait des teams comme la Team Angle, les Dudleys étaient encore là, il y avait Los Guerreros qui était là, Jericho et Christian. Il y avait vraiment du beau monde à l'époque déjà pour faire un gros match. Là, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé le match très bien booké. J'ai beaucoup aimé le contenu du match, du début à la fin. J'ai trouvé que le choix dans les entrées des teams, ça m'a paru très cohérent de commencer avec les Lucha Dragons contre Ascension, où tu avais un duel entre les voltigeurs et puis les mecs un peu plus bourrins, même beaucoup plus bourrins. Les prises bien exécutées, notamment les Lucha Dragons, comme vous le disait Brusty, ce saut de Kalisto m'a fait aussi penser à ce qu'avait fait John Morrison en 2011 quand il avait fait, lui aussi il était monté sur le haut de la cage et il était retombé sur Sheamus. Il était monté même un poil moins haut, Morrison. Là, Kalisto, il a vraiment été au sommet de ce qu'il pouvait être sur cette cage. Ça m'a plu. Le dropkick aussi, à un moment donné, il y a Cesaro qui va te foutre un dropkick sur Darren Young qui est assis sur la troisième corde. Sans élan, il lui met un dropkick. C'est assez impressionnant. On sait que Cesaro, c'est un athlète superbe, mais là, ça, il le confirme encore. De toute façon, il le confirme semaine après semaine. Mais c'est vrai que ce move-là était vraiment beau parce que c'est rare de voir Cesaro faire un chassé. Et un chassé sans élan, c'est vraiment chaud à faire. Il a très bien fait. Donc ouais, moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est un très bon opener, j'ai pas trouvé que c'était le bordel, j'avais peur de ça parce que ça faisait beaucoup de monde, finalement c'était très bien, donc j'espère qu'ils vont en refaire peut-être dans l'avenir avec des tag teams encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Moi je suis assez d'accord, j'ai bien aimé, j'attendais énormément de ce match, franchement, je me disais que ça pouvait être, c'est un tornado tag team Elimination Chamber match, ça fait beaucoup de trucs pour que ça soit énorme, surtout avec les Lucha Dragons, des nouvelles équipes, on va dire, deux en tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de voir, plus les New Day qui sont un petit peu, on va dire, nouveaux, entre guillemets, dans leur gimmick. Donc ça donnait quand même envie de voir ce match. Et il y a eu quelques spots qui étaient sympas. Bon, là, cette fois-ci, on n'a pas échappé à la multi-suplex. Ça, c'est un peu gonflant maintenant. On a ça à quasiment tous les matchs par équipe où il y a plusieurs équipes dedans. Et après, moi, ce qui m'a déplu, c'est le moment, en fait, où les... où les prime time players dominent le match. Je trouve que c'est vachement brouillon. On voit, enfin, Darren Young, je trouve qu'il est hyper propre dans le ring, mais Titus, il a vraiment un gros problème de propreté. T'as l'impression qu'il sait pas se placer, qu'il s'enlève au dernier moment quand il faut pas, etc. C'est un petit peu galère pour lui. Je pense que c'est un niveau un peu trop haut pour lui, là, les autres catcheurs qu'il y avait dans le ring. Pour moi, c'est un peu, ça a été un peu la tâche du match. Sinon, après, ouais, franchement, il y avait plein de spots qui étaient cool, notamment, ouais, comme l'a dit Renaud, les Lucha Dragons qu'on voulait un peu partout. Après, j'étais surpris que The Ascension élimine deux équipes. Ça m'a un peu surpris. Sinon, voilà, le match en lui-même, c'était quand même assez kiffant à voir, quoi. J'aimerais bien en revoir d'autres tous les ans. Si vous n'avez plus rien à ajouter, je sais pas pour toi, Seb. Je suis censuré carrément, hein, donc c'est vraiment tous contre moi, c'est non, ça. Non, mais on dit, enfin voilà. Est-ce que tu aimerais voir ce genre de match à la TNA alors du coup? Alors oui. Bon, on a l'Asylum qui se rapproche un petit peu de ce genre de match, hein, c'est spécialité X-Division. Ah, mais ça sinon, dit on maintenant directement quoi. Ouais. Ah, il travaille directement avec Dixie Carter. Comme je suis seul, avec le chanteur des Smashing Pumpkins. Sinon, rapidement, ma petite analyse, ouais, je vais pas rajouter grand chose, si ce n'est que j'ai aussi apprécié le match, hein, et ce qui m'a bien plu dans ce match, c'est que tout le monde a eu son moment pour briller. Je pense que Lucha Dragon ont pu briller sur les spots impressionnants qu'ils ont fait. L'Ascension, ils ont fait deux éliminations, donc c'est bon pour eux. Cesaro et Kid, qui sont comme d'habitude des catcheurs très très solides et qui l'ont encore démontré ce soir. Les primetime players qui sont arrivés en finale. Et bien sûr le New Day qui remporte la victoire, c'est un bon choix je pense, parce qu'ils commencent vraiment à avoir des très bonnes réactions du public, alors que quand ils étaient face, c'était vraiment de l'indifférence qu'ils avaient. Donc là ce serait dommage de leur enlever les ceintures alors qu'ils commencent vraiment à avoir des réactions, quoi. Non mais c'était très bien qu'ils retiennent la ceinture, c'est très bien je trouve pour la suite, ouais. Je trouve que c'est cool. En effet. On va donc passer à la suite avec un match pour le titre diva entre Nikki Bella, Paige et Naomi, la championne qui est donc Nikki Bella, a conservé son titre en 8 minutes 55. Il faut noter que Brie Bella et Tamina Snuka étaient bannies de ringside. Donc Sébastien, comme ça voilà, je te donne la priorité sur les divas. Je pense que tu l'as fait exprès puisque je t'avais dit avant que je n'ai pas vu ce match. Ah merde, excuse-moi. Ah non, dis-moi pas que c'est pas fait exprès. En fait, j'étais le seul en réalité à le voir à part toi. Non, je vais parler aussi après, du coup. Give Diva the chance. Vas-y, Brucey. Ouais. Parce que vu qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a eu rupture, donc sur AB1, mais quand on regarde en stream, en VO, donc le match y était, pas grand-chose à retenir, à vrai dire. C'était quand même il y avait quand même beaucoup de botch, je trouve, et un match au contenu relativement vide. Faut avouer que j'étais toujours très captivé par les fameux basket dunk de Naomi, et puis par le fait que ça faisait assez Power Rangers, quoi, couleur bleue, couleur noire, couleur jaune. Enfin voilà. Choisissez votre couleur. On ne sait pas. C'était pas mal. Oui. Parce que sinon bleu, ce serait très bizarre. On se serait cru dans Avatar. mais sinon. Voilà. Et sinon, logique que Nikki Bella conserve le titre, voilà. Rien de plus à dire. Ah, moi, je m'attendais à un changement de titre, hein, pour tout. Ouais, moi, je m'attendais à Naomi, moi, un peu. Naomi, pour ma part, non, aucune chance. Moi aussi, parce que je voyais Paige et Nikki Bella, donc, plus fortes, donc, du coup, enfin, buildées plus fortes. Mais je pensais qu'ils allaient donner le titre à Naomi. Le match, ouais, il est court, encore 8 minutes 55. Rapidement, je pense que, pareil, il y avait pas grand chose à dire sur ce match. La division a grandement besoin de 109, mais bon. Je vous propose de passer tout de suite à la suite. Et quelle suite ? Un match entre Kevin Owens et John Cena, un match de 20 minutes 06. Et j'espère que celui-là, vous l'avez pas loupé. Surtout que c'est Kevin Owens qui bat John Cena sans aucune forme de contestation possible. Clean, plus clean que ça, tu meurs, n'est-ce pas, Sébastien, du coup ? Oui, je suis totalement d'accord. Un super match, clairement le meilleur de la soirée pour moi. Je pense que Owens a vraiment su tirer le meilleur de John Cena. John Cena, parce que c'est quand même pas un catcheur aussi mauvais qu'on peut le dire. Quand il est face à quelqu'un qui sait bien bosser, il est capable de sortir des bons matchs. Et là, Owens a réussi à faire de ce match un très bon combat. Il a montré toute sa palette technique. Un public qui ne le connaissait pas forcément, et je pense que tout le monde a été impressionné à la fin de ce match. Et bien évidemment, cette victoire clean sur John Cena qui a surpris énormément de monde, hein, moi y compris, jamais de la vie j'aurais parié là-dessus. À la rigueur, une petite victoire par disqualification, c'était pas impossible, mais par tomber clean, vraiment, ça m'a vraiment surpris. Et d'autant plus que qu'il avait déjà pris le dessus sur Cena aux deux Raw précédents qui avaient buildé le pay-per-view, donc ça a ajouté encore plus de surprises pour moi. Renaud. Ben j'avoue que sur le début du match, j'étais pas trop emballé. Vraiment les premières minutes, hein. C'en était encore un peu dans un schéma hyper classique du John Cena dominé. Owens montrait pas non plus grand chose au début, mais ce qui est normal puisqu'il y a une mise en route dans ce genre de match-là où on s'attend vraiment à ce que ça parte après très vite, et, enfin très fort en tout cas, et c'est ce qui s'est passé. C'est la première fois que je voyais Owens, moi, en action. Bien sûr, j'en avais entendu parler, bien sûr, j'avais vu des photos, je voyais très bien le gars visuellement. Mais dans un ring, c'était la première fois. Ça me fait vraiment penser au gars très cliché de la ECW de l'époque, les genres de mecs qui se ramènent en t-shirt, short, et puis qui ont pas un physique de poster boy comme veut la WWE. Mais finalement, je trouve que à partir du moment où John Cena a fait son tornado DDT et qu'il a très bien fait, je critique beaucoup John Cena sur certaines prises et sa façon de vendre, surtout quand il vend des kicks où il met ses mains à 10 km du visage, mais son tornado DDT était vraiment super à John Cena, et là je trouve que ça c'est vraiment très très bien parti entre les deux, et Owens a vraiment des moves impressionnants pour le physique qu'il a, c'est assez énorme, et puis sa souplesse arrière qui renverse à un moment donné dans le coin où, en plein vol, il arrive à retourner la souplesse. C'est assez hallucinant et super dangereux. Et voir une prise comme ça à la WWE, en Indie, tu le vois, mais à la WWE, c'est hyper rare. C'est même la première fois. Sincèrement, je pense que c'est la première fois que je vois ça chez McMahon. Donc, c'était très sympa. J'ai vraiment aimé comme c'est parti sur la deuxième partie du match. Et c'était vraiment très, très intéressant. Et je sais qu'il va y avoir un match revanche pour le prochain pay-per-view. Je suis très impatient. Donc, c'était super cool. Rubinito. Oui, moi je suis un peu comme Renaud, j'étais vachement emballé, j'avais pas souvent vu Owens en action, je l'avais vu une ou deux fois à NXT par hasard en tombant dessus. Donc j'étais assez impressionné en fait de ce qu'il est capable de faire avec le physique qu'il a et la vitesse à laquelle il exécute des moves, je trouve que c'est assez impressionnant quoi. Pour sa taille et pour justement, il a pas l'air très costaud comme ça de l'extérieur, il a l'air il a pas des bras énormes, etc. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après moi, ce qui m'a plu dans ce match vraiment, c'est le storytelling, c'est le fait du. T'as l'impression que c'est vraiment le rookie contre le maître, et ça monte petit à petit, comme dit Renaud. En fait, ça démarre assez doucement avec un peu de grap wrestling. J'ai l'impression qu'ils ont voulu montrer tout ce que Owen était capable de faire dans un ring. Donc le mec, si jamais il doit avoir qu'un seul combat dans sa vie à la WWE, il pourra dire qu'il est réussi quoi. Et ça, je trouve que c'est assez cool de lui avoir laissé montrer autant de choses dès son premier combat. Je trouve que c'est vraiment une belle marque de confiance de la WWE. Et moi, j'étais surpris en fait que le match ne soit pas pour le titre. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs pour le titre US quoi. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors, Peux t'expliquer ça tout simplement. Kevin Owens, il arrivait en débarquant en disant qu'il avait déjà un championnat. Et je trouve ça logique de dire que le mec a déjà un championnat, je vois pas pourquoi il voudrait être champion. Le problème, c'est que ça décrédibilise, entre guillemets, tous les mecs qui ont fait le John Cena Challenge, en fait. Ah ouais, mais c'est totalement le but. Donc, Kevin Owens, faut le dire, il est buildé comme un gars à part, vraiment. C'est un gars qui a une attitude vraiment à part dans le roster, non, c'est-à-dire NXT, il est arrivé, il a dit bullshit, je m'en fous, je défonce tout le monde qui passe, que ce soit Sami Zayn, etc. Son but, c'est la destruction. Ça a été toujours comme ça. Mais tu vois, je trouve pas ça trop choquant pour un gars comme Owens de blider ainsi. Je trouve pas ça. Non, vraiment. C'est pas que ça me choque. Hein. C'est que j'étais surpris, en fait, du fait qu'il se ramène le jour d'un Open Challenge. Je suis surpris que, du coup, ça soit pas pour le titre, ce match. Mais après, c'est pas choquant dans l'absolu. Il a encore son titre NXT. Je pense qu'il doit le perdre avant de concourir pour des titres à la WWE, parce que sinon, ça fait un peu double emploi. Et surtout, voilà. ça place quand même NXT à une certaine position de force, hein, quand même. Oui, c'est Sami Zayn de tenir la dragée haute à Cena il y a quelques semaines. Là, Kevin Owens, oui, pareil. J'ai l'impression que ça touche bien NXT, ce match-là. Je trouve ça assez cool hein, pour les gens qui suivent NXT. Moi, c'est pas mon cas, je le regarde de façon sporadique. Mais je trouve que c'est assez cool. Vu comme le show est louangé, c'est assez cool que le meilleur catcheur du show NXT soit capable de battre John Cena clean en pay-per-view pour son premier match, quoi. Brucey. Bah, c'est vrai que c'est quand même impressionnant parce que mine de rien, Kevin Owens, il rentre dans la caste, voilà, des gars qui ont battu Cena clean et ils sont très peu. Il y a Daniel Bryan, il y a Brock Lesnar, Il y a eu The Rock, je crois, The Rock. The Rock et CM Punk, en tout cas dans les dernières années. Ouais, mais dans les dernières années, on va dire. Oui, voilà. Mais du Cena, tu sais pas. Depuis l'ère Cena, Cena post-Starboy. CM Punk, c'est pas hyper clean, d'ailleurs. Bah, CM Punk, ah ouais, c'est vrai, quand même, On In The Bank, c'est vrai que c'est pas très clean, pareil à SummerSlam. Mais bon, on va dire semi-clean. Bon voilà, quand même, il est dans une certaine caste, ce qui montre déjà l'importance qu'il va avoir dans les années qui vont venir. Ça va être déjà un grand représentant. C'est vrai qu'il a un gabarit assez peu atypique, mais il faut s'attendre à en voir un autre débarquer d'ici peu à la WWE, je pense aussi, avec un gabarit similaire, c'est Samoa Joe, bien sûr. Mais d'ici là, de toute façon, les deux s'affronteront à NXT, ça sera énorme, je vous conseillerai ces affrontements. Mais pour revenir au match, c'est vrai qu'à peu près tout a été dit, c'est vrai que... Il y a quand même une histoire qui est dans ce match, donc à partir de là, je comprends qu'il y ait quand même un démarrage assez lent, bien sûr, qui porte plus sur les attitudes, et qu'ensuite on passe vraiment au in-ring. Et puis je trouve très bien aussi, bien sûr, avec Cena, que à chaque fois, ça soit le catcheur adverse qui puisse avoir la direction, et dans le cas de Wentz, c'est absolument parfait. Autant et d'autres, ça peut être un souci, mais là, c'est absolument parfait. Et mine de rien, c'est vrai que, bon, Cena, je suis pas ultra fan au départ, mais il faut lui reconnaître que cette année, quand même, il a été dans bon nombre de très bons matchs. Donc, Moi, je trouve que son niveau monte de jour en jour, mais c'est pas exactement ça, mais je trouve que Cena, depuis quelques temps, t'as l'impression qu'il est réimpliqué, qu'on lui a donné, entre guillemets, une nouvelle mission, c'est de faire bien paraître les jeunes, et je trouve que ça lui va bien. C'est paradoxal. Et lui, il a l'air de kiffer, et t'as l'impression que c'est le Cena d'il y a 10 ans presque, quoi. Et t'avais l'impression que dans sa petite routine, là, de Poster Boy et de Superman Cena, il commençait à se faire chier. Et là, le fait de redescendre un peu dans la carte et d'affronter un peu des rookies ou que du mid-card son job, c'est de bien faire paraître ses adversaires. T'as l'impression qu'il perd un pied de folie, quoi. Et ça, c'est assez cool à voir, je trouve. Ah oui, c'est vrai. Et puis c'est au niveau où il redescend paradoxalement le plus bas depuis des années, mais comme quoi, c'est limite, il a reporté, mine de rien, le titre US limite au port du main event, on pourrait dire presque. Il y avait un tweet comme ça anglophone qui disait que le match la WWE, c'était pour le titre WWE, c'était le troisième titre en termes d'importance de la soirée après celui de NXT et du titre US. C'est assez ironique quand on connaît la situation du titre américain pré-Rousseff, en tout cas avant que Rousseff le prenne. Et sinon, deux trois petits points encore, juste qu'à un moment dans le match, il m'a presque fait kiffer, je pense, la moitié d'internet facile, au moins ceux qui le connaissent d'avant, du cirque n'est pas dedans, qu'au moins il a pris Cena et qu'il l'a placé comme s'il allait faire son fameux package par driver pour lequel il est très connu sur le circuit népalais. Sauf que bien sûr, on sait que c'est une prise que Vince McMahon détesterait voir à la WWE, mais ça serait kiffant de l'avoir un jour, bien sûr. Et à l'arrivée, il a porté ça en powerbomb, c'était quand même assez énorme, c'était balèze ça. Et sinon, quand même, ce match, à mon avis, s'inscrit déjà dans les candidats des matchs de l'année, je pense. En effet. Moi, je lui mettrais juste un petit bémol, c'est qu'on a vu beaucoup Cena parler sur le ring. Ah ouais, ça c'est un problème. Il a été d'une discrétion nulle. Voilà. Non, mais c'est un peu la faute du public qui faisait pas du tout de bruit. C'est vrai. Donc aussi, du coup, ça aidait pas. Et les micros sont tellement prêts maintenant que dès que les mecs parlent, s'il y a pas d'ambiance, on les entend, quoi. C'est vrai aussi. De toute façon, encore plus. Mais c'est un petit problème récurrent chez John Cena. Là, c'était encore plus flag par rapport au public, mais c'est vrai que c'est un petit problème récurrent. Moi le seul petit point négatif, c'est qu'il y a trop de kick-out. Et ça, je trouve que maintenant, en fait, Stone Cold en parlait une fois dans une interview il y a pas très longtemps, où il disait qu'en fait maintenant, on était obligé de porter 3, 4, 5 finishers pour gagner un match, alors du coup, ça décrédibilise un petit peu les finishers de chaque catcher. Et je trouve il a raison. Il parlait en fait du stunner de John Cena, justement, un springboard stunner. Ouais, du springboard. Et il disait que normalement, ça devrait être un finisher. Vu l'histoire du stunner à la WWE, ce move-là, ça devrait être un finisher. Et en fait, ce move-là, il sert juste à déstabiliser l'adversaire pour que Cena place son finisher. Et ça, je trouve que c'est une surenchère. Après, il va falloir faire combien de prises, combien de attitude adjustment ou combien de RKO pour gagner un titre, non, je trouve que ça décrédibilise un peu toutes les prises, le fait d'être obligé de placer 4 finishers par match pour gagner. En général, ça fait WrestleMania, quand même. Enfin, en général, c'est 2 finishers, je pense, maximum, dans les matchs plus classiques. Mais là, il y en a eu 3 ou 4, hein, quand même, puisque Cena fait le Attitude Adjustment, il fait 2 fois son powerbomb, ça fait déjà 3. Non, franchement, puis ces finishers du haut de la troisième corde, ça reste des finishers, ça reste des big moves, quoi. Et oui, juste voilà. Aussi qu'on voit quand même qu'il peut placer aussi un moonsault, même si s'il a un contré, et qu'il peut faire le 450 aussi. Donc, le Senton, c'est impressionnant. Aussi. C'est impressionnant, non, il y a aussi. Non, non, il n'y a rien à dire, hein. Il porte vraiment des prises impressionnantes. C'est vrai que c'est surprenant vu le gabarit, mais très intéressant. Et pour moi, le plus impressionnant, c'est pas le gabarit, c'est qu'il le fasse si vite. C'est ça, c'est la vitesse d'application, ouais. Avec lequel il fait. On dirait que, enfin voilà, que le mec il fait 50 kilos, quoi. Et du coup, ça lui permet d'être hybride entre le gars très, powerhouse à la limite, et en même temps avec ce style assez voltigeur. Bon voilà, quoi, ça fait limite. De mémoire de Wrestles Radio, c'est rare qu'on soit tous les 5, enfin en tout cas 5 chroniqueurs d'accord à ce point-là sur un mec, quoi. Et le pire, enfin... Ah oui, surtout tout à l'heure, il va y avoir la confusion. Le mieux dans tout ça, je pense que vous avez vu quelques promos à Raw, et une autre qu'il a fait. Ah, il est très très bon au micro. À SmackDown, oui, une interview, oui. Je pense que le mec au micro va assurer une certaine relève d'un certain... Ah oui, non, mais déjà, la Ring of Honor, il est déjà très très haut depuis des années, donc c'est pas étonnant. Honnêtement, quand on suit le circuit des panneaux, on savait qu'il serait très haut depuis longtemps. On le sait qu'il a une grande gueule, mais c'est vraiment... Après, passer de la scène indépendante au mainstream, à la WWE, il y en a beaucoup qui sont très forts à tout point de vue sur la scène indépendante, et une fois arrivé à la WWE, ça devient, comme ils disent les Américains, ils sont des gros poissons dans des petits bassins, et ça devient des petits poissons dans des gros bassins. Ouais, mais même s'il a vraiment le profil badass, c'est vrai, peu commun à la WWE, bien chic, bon genre, quoi, je veux dire. Ouais, il avait quand même déjà toutes les aptitudes, honnêtement. Moi, je le voyais réussir déjà tout en haut, il n'y avait aucun souci. Autant d'autres, dont on parlera après, il attendait assez peu, mais là, lui, par contre, ouais. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on pourrait lancer un hashtag « We want Lesnar versus Owens » Oh là là. Pour WrestleMania 32. Ça fait rêver. T'en penses quoi, Renaud? Ça serait... Oh, ouais, je suis totalement d'accord. On le lance, hein. Allez, Vincent, on compte sur toi pour lancer le hashtag. Allez. C'est parti. On est parti, on va faire campagne. On se retrouve en mars pour voir si ça a fonctionné. Mars-avril. On va passer à la suite en attendant quand même. Il y a eu autre chose que ce match, même si ce match a quand même monopolisé l'attention tellement par sa qualité et par son résultat aussi. Et après, la rechute a été quand même assez sévère avec un match entre Bo Dallas. Voilà, hein, passer Kevin Owens, John Cena à Bo Dallas, ça fait mal. Ça reste des anciens champions NXT, Pierre, putain, oui, la transition était bonne. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'était un match pour le titre NXT, d'ailleurs, à une époque. À une époque, oui, ça a été le leader match qui a mis Neville, je crois, en tant que champion. Neville champion. Oui, Dallas, oui. Oui, Neville avait gagné, oui. Et donc, en 6 minutes 20, Neville a de nouveau battu Bo Dallas. Je sais pas qui envoyait là-dessus. Renaud. Allez, Renaud. Merci. c'est hyper quelconque. Je sais pas trop quoi dire dessus. Après, Neville. Ça, c'est sûr que ça fait mal. Ouais, c'est assez dur. Puis bon, voilà. Bon, après, Neville, il reste toujours propre, lui, dans ses moves. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai bien aimé son moonsault à l'extérieur où Bo Dallas l'a réceptionné totalement sur son épaule. Mais il y a pas grand-chose à dire, ça s'oublie très vite, quoi. C'est un match, voilà, c'est un match bouche-trou de transition pour passer au prochain chamber. Il a quand même beaucoup de vie, Bo Dallas. Hein. Ouais, mais déjà quand il courait autour du ring, quand t'avais les ralentis vraiment ralentis, tu voyais un peu, tu voyais des vagues. D'ailleurs, apparemment, il s'était un petit peu fait taper sur les doigts pour ça, mais il a pas fait d'effort. Non, moi, il y a un truc qui me gêne. Alors, Neville, j'entends beaucoup de gens dire beaucoup de bien. Alors, je trouve qu'il est pas mal, mais il a un truc qui lui manque, c'est que j'ai l'impression que l'enchaînement de ses prises n'est pas très cohérent. T'as l'impression, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas cousu de fil blanc, ces matchs. Par exemple, il travaille pas le corps en sachant que son finisher est un finish sur le corps. Enfin, je trouve que il manque ça. C'est un mec qui fait beaucoup de spots, mais il lui manque quand même un petit fil blanc, un petit fil conducteur dans ses matchs. Et ça me gêne. Mais ça, c'est leur catégorie. RVD le faisait pas aussi. RVD le faisait pas. J'ai réussi à passer. Ouais. J'ai réussi à passer mon RVD. Bien, ouais. Ça, c'est la première chose. Non, mais c'est vrai que. Disons que Neville, c'est l'autre catégorie du cirque indépendant. C'est un gars de spotfest, tout simplement, Neville. Donc, voilà. Complètement. Ça, c'est ce qu'on lui demande. Moi, dans le catch, ça me gêne un petit peu, ça, quand, enfin, moi, j'aime bien quand il y a un minimum de storytelling, comme dans le pareil. Précédent. J'aime bien quand il y a, j'aime bien quand tu sais, enfin, pas tu sais pourquoi le mec il fait ça, mais quand tu penses qu'il peut avoir une idée derrière la tête, tandis que Neville, t'as l'impression qu'il fait du spot pour du spot. Et moi, ça, c'est pas ce qui me plaît le plus dans le catch, quoi. Ric Flair est un modèle sur le storytelling, hein. Les matchs de Ric Flair, tu les regardes. Oui, voilà, c'était vraiment un travail sur la jambe pour placer la prise en 4 sur la fin du match. C'était très, très bon à ce niveau-là. Seb, t'as pas entendu vraiment. Oh, que dire, hein, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Bo Dallas en mode boring, hein, comme d'habitude. Hein, Neville en mode high fly, comme d'habitude aussi. Donc, ouais, il n'y a pas de surprise dans ce match. Il dure un petit peu trop longtemps, sans doute. C'est la grosse critique qu'on peut faire. 6 minutes 20. Voilà. 6 minutes, je voyais même encore plus, moi. Bah bon, et je suis allé faire deux fois pipi, alors du coup, c'était trop long, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on peut passer à la suite, je pense. Parce que... Il a eu le temps de se désabonner au network parce que c'était l'heure, et il avait son mois gratuit. Et voilà. Ah, oui, c'était le moment. Ouais. 999 on va passer à la suite, messieurs. Avec un match, le deuxième Elimination Chamber pour le titre intercontinental vacant. Un match surveillé depuis l'extérieur de la cage par Daniel Bryan et qui a vu Ryback battre Sheamus, R-Truth, King Barrett, Dolph Ziggler et Mark Henry qui faisait son retour pour remplacer Rousseff qui était malheureusement blessé au pied, je crois, à la cheville, il me semble. Oui, c'est ça. Un match contre Ryback à SmackDown, ouais. Ben, Ryback, voilà, qui prouve encore une fois. Les mauvaises langues diront que. Voilà, les mauvaises langues diront habitude, les autres diront ah là là, c'est un accident. I'm dumb as fuck. 28 minutes 52 de match pour voir Ryback prendre son premier titre et ouvrir un palmarès à la WWE. Seb, tu n'as pas encore commencé. Benito non plus. Alors on a discuté un petit peu avant l'émission là sur le match et moi je pensais au début que j'étais peut-être dans un petit creux, que j'avais sommeil quoi que ce soit parce qu'il était quand même quasiment 4 heures du mat à ce moment au moment où le match était diffusé mais en fait vous m'avez rassuré parce que vous y avez à peu près la même impression que moi, c'est-à-dire un match qui était vraiment ennuyant. Moi je me suis fait chier pendant ce match, on va le dire clairement, il était vraiment pas inspiré. Après il y a la petite surprise qui est une mauvaise surprise pour moi, l'intégration de Mark Henry au match. Hein, et pour moi il a tout simplement plus d'intérêt en 2015 dans un ring de la WWE. Donc il pourrait partir, ça me gênerait pas. R-Truth aussi, qu'est-ce qu'il fait là aussi, c'est quand même fou ça. Il était déjà dans le match de l'échelle à WrestleMania et là il se retrouve encore dans un match important à Elimination Chamber. Pourtant le gars c'est quasiment un jobber le reste de l'année. Mais moi, je pense que l'absence de Rousseff, ça a presque chamboulé un peu les plans, j'ai l'impression, alors que pourtant, c'était connu quelque temps à l'avance qu'il serait pas présent, mais j'ai trouvé que, je sais pas, le match était assez brouillon finalement, et j'ai presque l'impression que c'est Rousseff qui était censé gagner le match. Comme s'il y avait eu un angle autour de lui de préparer et que tout d'un coup. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je pense pour ça que Rousseff aurait gagné le titre s'il avait été présent. Et du coup, la solution de remplacement a été Ryback, qui sort un peu de nulle part, faut l'avouer, cette victoire. Parce que je rappelle que Ryback n'avait gagné aucun match en pay-per-view dans l'année 2015 pour le moment. Donc, il sort un petit peu de nulle part, il gagne un titre. C'est bien pour lui, mais bon, c'est pas quelque chose qui va me marquer pour autant. J'ai envie de lancer Rubénito parce que je sens qu'il va pas être d'accord avec toi. Non, moi je suis pas totalement d'accord. Je trouvais le match, on va dire, moyen bon, voire bon, tant qu'il y avait King Barrett dans le ring, qui a fait quand même le show et, enfin, franchement, faut dire ce qui est. Il en a, t'avais l'impression qu'il disait que merde, on est en train de faire un match pourri, mais je dois sauver ça, quoi. Et il allait un petit peu sur tout le monde. Et c'est vrai qu'à partir du moment où King Barrett se fait éliminer, ouais, l'intensité elle baisse quand même vachement. Le fait que R-Truth soit encore là, comme dit Seb, pour une fois je suis d'accord, mais ça doit venir du fait que c'est un ancien TNA R-Truth, donc non ouais, voilà, le fait que R-Truth... Mark Henry, je pense qu'il peut être intéressant, mais que en heel, en face, comme tu dis, il a aucun intérêt. Mais son Hall of Pain, c'était il y a pas si longtemps et c'était quand même plutôt très très bon, quoi. Donc non, moi Mark Henry ça me choque 2011, pas. 2011 quand même, ça commence à dater. Ouais, mais bon, enfin ça reste le même Mark Henry qu'aujourd'hui à quelque chose près, quoi. Donc du coup non, ça me choque pas qu'il y ait Mark Henry. Après bon, la victoire de Ryback, faut enfin qu'il gagne quelque chose, le pauvre. Enfin il a toujours manqué les marches quand il fallait la monter, donc là enfin. S'ils veulent faire un jour évoluer son personnage, il faut quand même lui donner à manger comme il le réclame à chaque fin de match. Après, je suis surpris en fait que ce soit pas Sheamus qui a gagné, parce que je pensais que c'était écrit dans le marbre que ça allait être pour lui. Un heel bagarreur, ça serait quand même beaucoup mieux qu'un heel arriviste pour Sheamus. Moi, je vais plus rejoindre Seb. J'ai trouvé quand même le combat mauvais pour un chamber. Je trouve que c'était vraiment très très faible. Alors je compare pas avec December to Dismember, hein, parce qu'il y en avait eu un en 2006 qui était vraiment, lui il est dans une stratosphère à part tellement il est mauvais. Mais celui-là, je trouve qu'il y avait aucun rythme, une absence totale de cohésion entre les catcheurs. C'était vraiment pas bon. Je le rejoins aussi sur Marc-Henri, hein, sincèrement, il a plus rien à faire là, Marc-Henri, c'est plus possible. Il est vraiment cuit. C'est plus possible de voir Marc-Henri dans un ring. Et puis R-Truth, oui, bon, R-Truth, il a rien à faire là non plus. Mais c'est quand même grave qu'il soit encore là, R-Truth, dans ce match-là. C'est sa troisième participation en chamber, c'est ce que je regardais. Et en fait, le gagnant du match, c'est donc Ryback. Et c'est le seul qui n'avait jamais participé à un chamber parmi les participants de ce match-là. Donc c'est celui finalement qui remporte la carotte au bout. Moi, j'ai bien aimé, à la limite, Sheamus. Je trouve qu'il tire un peu son épingle du jeu. Mais voilà, c'est vraiment. Ça arrête dans le match. Ouais, ça va. Il a fait le boulot, mais j'ai pas non plus trouvé. Après, ce qui est paradoxal justement avec Barrett. C'est une vraie déception, quoi. Vas-y. Bah, en fait, le gars gagne le King of the Ring et se retrouve premier éliminé dans un match pour un titre. Bah, justement, c'est son élan qui est terrible depuis le King of the Ring, tout simplement. Il fait que perdre. Ah, mais c'est la carrière de Barrett qui est comme ça, hein. Vous reprenez depuis le début. Ouais, mais il fait que perdre, c'est terrible, là. Il monte quand il est en haut, il redescend, et, enfin, ça a toujours été comme ça, sa carrière, malheureusement. Là, quand même, la semaine, il se fait deux fois piner par Artruth, quand même, c'est terrible. Oui, c'est. Je pense que tout est dit. Bah, sinon que quand même le match était pourri. Merci Bruce. Et que j'étais quand même déçu qu'en fait le choix se soit pas porté, qu'on n'ait pas vu en Wyatt par exemple dans le match. Ça aurait été bien quand même, je trouve. Ça aurait été beaucoup mieux déjà. Que le match était quand même assez déséquilibré, qu'ils ont vraiment pas pris du tout en compte l'élément de la Chamber. Ça a beaucoup dérangé. Ça ferait presque une publicité pour en fait que la Chamber ne n'apparaisse plus, mais vu qu'ils en ont rien à péter de la Chamber. Donc à partir de là, voilà, c'est plus que décevant. Après, forcément, je suis très réfractaire à Ryback, donc là-dessus, c'est mon opinion personnelle que bof bof. Et puis Brian qui la double, forcément, c'est re-bof. Donc voilà, du coup, je pense qu'on peut passer à la suite, ouais. Après, ils ont une story, quand résumé même, du vidéo, quoi. Ouais, avec The Shield et tout, ils ont quand même un petit passif, ouais. Enfin, le Nexus, pas longtemps, mais ils se sont croisés, quoi. NXT aussi avant. NXT, la précédente version, pas celle d'avant. Greg, qui était un auditeur sur YouTube qui réagit et qui était assez d'accord avec Bruce Lee sur le fait qu'il aurait aimé voir Bray Wyatt dans l'Elimination Chamber. Et il dit aussi que Ryback ne va pas garder la ceinture très longtemps. C'est juste histoire de le récompenser pour ses efforts. Sheamus va récupérer la ceinture rapidement, selon lui. Donc n'hésitez pas les gars, si vous avez quelqu'un à citer, allez-y, y a pas de souci, hein, vous prévenez. Tiens, on a une réaction Twitter apparemment de Mike, hashtag Lakeback. Il dit que le match était sur un faux rythme, à la limite de l'ennui en effet, assez déçu du match, et qu'il était assez faible pour un chamber. Sur ce problème-là, de voir des catcheurs qui ont été poussés comme Dolph Ziggler, comme Barrett très récemment, Sheamus qui est sur son retour, et finalement se retrouver avec Ryback champion, alors que le gars, ça fait deux semaines depuis Payback environ, qu'il est revenu un peu mieux. Mais sinon, enfin voilà, quoi, Ryback, il avait un peu vraiment redescendu, quoi. Dean Ambrose, du coup, a battu Seth Rollins, en effet. Ou pas, oui, voilà. Il a battu Seth Rollins. Pendant un moment, on a cru qu'il avait le titre, mais finalement, c'est par disqualification, puisque le premier arbitre, qui a été poussé par Seth Rollins vers Dean Ambrose lors d'une prise, est revenu sur la décision du deuxième et du coup a préféré disqualifier Seth Rollins et donner cette victoire par Dean Ambrose. Il faut signaler que si Seth Rollins était accompagné de Jamie Noble, Joey Mercury et Kane, Dean Ambrose lui n'était accompagné de personne puisque Roman Reigns s'était banni du ring. Si jamais Roman Reigns intervenait de quelque façon dans le match, Dean Ambrose serait disqualifié. Voilà. Voilà, ouais, il était pas banni, mais si bougeait le petit doigt, ouais. un match de 17 minutes 9 dont va nous parler celui dont la connexion a été oubliée, c'est Rubénito. Bonsoir à tous. Non, pardon. Non, donc du coup, en fait, moi, je m'attendais quand l'arbitre donc est out, je m'attendais vraiment à voir Reigns arriver et éventuellement une grosse surprise, voir Reigns rallier l'autorité. Donc en fait, en ça, j'ai eu une surprise puisque je m'attendais vraiment à ce scénario-là. Après, pour ce qui est vraiment du match en lui-même, c'est quand même bien en dessous de ce qu'ils ont fait dans le passé, je trouve. Il y avait quelques matchs en fin d'année dernière qui étaient quand même beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont proposé là. Il n'y a pas de truc vraiment exceptionnel. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est que ça a été que Ambrose est là par défaut parce qu'il manque des adversaires à Rollins. Et ça me gêne un petit peu. T'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de plan prévu sur le long terme pour ces deux-là parce qu'ils sortent justement d'une grosse histoire. Et donc ça je trouve que je l'ai ressenti un petit peu tout le match. Et ça m'a bien gêné. Et voilà. En gros, je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Et ils ont déjà fait beaucoup, beaucoup mieux. Et là, donc, du coup, c'était quand même assez décevant pour moi. Mais en fait, ce match, je crois qu'il m'a rappelé un match, mais de 2015, mais décidément, la mémoire me fait défaut, là, sur, récemment. Mais, d'un pay-per-view, où je me souviens, c'était un match qui était assez décevant, dont on attendait beaucoup, je me rappelle plus entre qui et qui, mais, qui était en gros une promo d'un match pour le prochain pay-per-view. Même entre si Bray Wyatt et Dean Ambrose. C'était Bray Wyatt Ambrose, mais voilà. C'était au Survivor Series. La Survivor Series, hein. Voilà, c'était en 2015. Pour moi, oui, voilà. En fait, je crois que c'était uniquement un prélude pour Money in the Bank, en fait, à l'arrivée. Après, je suis de l'avis de Rubénito que, Ambrose, là, on y a cru qu'il a pris le titre. Ça, c'était quand même une grosse surprise et les yeux exorbités de Rollins sont toujours assez énormes. C'est sûr qu'il va patienter au moins après on sait qu'il va y avoir Lesnar qui va revenir pour SummerSlam, donc on va voir comment ça va se passer là. À mon avis, cette ruine sera encore le titre et puis voilà, mais c'est vrai que oui. On a du mal à imaginer Ambrose encore avec le gros titre, curieusement. Moi, je vous trouve vachement dur sur le fait que ce match était juste un prélude à MITB. Ça a quand même duré presque 18 minutes et que finalement Dean Ambrose. Bon, bah après il était bon, hein, mais disons que inverse de là, j'attendais un match équivalent au Wes Cena, quoi, voilà. Renaud. Ouais, je te rejoins, Pierre. Moi, je te rejoins parce que j'ai trouvé le match bon. Donc le léger problème que j'ai, c'est que je suis plus vraiment surpris par ce qu'ils nous proposent. Parce qu'ils se sont tellement affrontés dans le passé, dans des énormes combats, que ça soit en Hell in the Cell ou même dans d'autres stipulations, même à Raw aussi dans un match où tout était permis. Je pense que celui-là, il est vraiment au-dessus, hein, celui qui finit avec la tête d'Ambrose dans les parpaings. Tu le vois la première fois, et tu suis pas le catch, mais tu connais un petit peu, mais sans avoir vu les autres matchs, tu le trouves très bon. Et par contre, si tu suis vraiment ce qu'ils ont déjà proposé, tu te dis bon, ça reste un bon match sans plus peut-être. Moi j'aime bien. Moi j'ai quand même bien aimé ce qu'ils ont proposé. Après peut-être un petit bémol sur Dean Ambrose. Je trouve qu'il se répète peut-être un peu dans ses moves. Il a ses répétitifs dans ses cordes à linge, tout ça. Mais bon. Même dans ses réactions un petit peu. Ouais, c'est le genre de personnage qui se répète un peu beaucoup. Mais bon, moi ça m'a pas trop dérangé. Moi je trouve que quand même Seth Rollins gagnerait à se séparer de Kane et de la GNG Security. Là, c'est vraiment... Ah, c'est long, ça c'est long. Hein. Ah ouais, là, ça commence à faire vraiment long. Les schémas de match sont exactement tout le temps les mêmes, quoi. Et ça me gêne vachement. Alors que ce sera donc la dernière fois qu'on utilisera la connexion de Rubénito pour faire un live, Seb, vas-y. Moi, je vais plutôt rejoindre Rubénito et Brusty. Je n'ai pas été très très fan de ce match-là. Je trouve qu'il était pas très inspiré et plutôt décevant quand on connaît le talent d'Ambrose et de Rollins. Moi, cette fin de match-là, ça m'a fait un peu penser à la fin du match entre Cena et Punk à la Nuit des Champions 2012. Punk était champion et t'as Cena qui fait une German Suplex de la troisième corde. Et t'as les deux hommes qui ont les épaules au sol et l'arbitre fait le compte de 3 et tout le monde pense que Cena remporte le titre. Et un peu après qu'il ait commencé à célébrer, t'as l'arbitre qui dit non, c'est match nul et Punk a conservé la ceinture finalement. Donc c'est un peu le même esprit, je trouve, cette fin de là un petit peu tirée par les cheveux. Et sinon, ouais, je veux aussi soulever le fait qu'il n'y ait toujours pas eu de de fin clean entre Ambrose et Rollins sur trois matchs en pay-per-view pour le moment. Donc j'espère que ce sera pour le pour dans deux semaines hein, déjà. C'est vrai que de toute façon, avec l'environnement dans lequel est Seth Rollins, les fins clean, c'est assez rare, voire totalement disparu. Enfin, c'est totalement inexistant. De circulation. Ouais, inexistant. Je vous propose d'en conclure parce que on est en train de courir après la connexion de Rubénito. Je vais vous demander vos notes à chacun sur ce pay-per-view. Enfin, sur ce special event, vu que c'était vraiment que le network. Broussy. 4, et puis ce 4 doit beaucoup à Owens Cena, bien sûr, qui est donc, bon, voilà, un des matchs de l'année, comme déjà dit. Sinon, quand même, globalement déçu des Elimination Chamber, même si le premier était plutôt sympa, mais le deuxième, quand même catastrophique. Donc, à partir de là, quand même, on peut pas non plus trop espérer. Et puis le main event, quand même, un petit peu décevant. Donc, à partir de là, bon, c'est dur de faire les pay-per-view toutes les deux semaines, mine de rien. Hein. Je passe la main à Seb pour sa note. Très rapidement, je vais juste faire une petite remarque avant la note. Juste noter qu'on voit que la formation à NXT porte ses fruits, puisque sur ce pay-per-view-là, il y avait dans tous les matchs au moins un catcheur qui est passé par NXT. Donc on voit que ça commence vraiment à bien prendre et que la relève et la formation qui a été faite porte ses fruits. Sinon, oui, la note, je vais faire rapide puisqu'il y a les petits problèmes de connexion. Donc je vais mettre un 6 sur 10. Un 6, donc, Renaud. Moi, je vais mettre 5 pour le Owen Senna, l'opener et le main event que moi j'ai apprécié, mais surtout pour le Owen Senna, bien sûr. Donc 5. Ou Benito. Moi, je vais être généreux, je vais mettre 6,5 parce que je trouve que 4 quand même, c'est abusé quoi. Ne pas mettre la moyenne à ce pay-per-view avec 3 bons matchs sur 6, c'est quand même un petit peu abusé quoi. Voilà. Mais moi, j'en ai pas trouvé 3 bons, c'est ça le problème. Bah si, tu l'as dit, t'as dit l'opener, le Kevin Owens et le main event, donc ça fait 3. Et du coup, en fait, il voulait faire un hommage au PSG qui a remporté 4 titres cette année. Il voulait citer ça, et voilà. Je pense qu'on peut pas tout réduire au PSG quand même. C'est Brosti, hein. Il est terrible. Le fait que l'OM soit 4e, peut-être, excuse-moi. Ah, moi aussi, je vais mettre 6, principalement pour le Kevin Owens contre John Cena. Le main event que j'ai plus apprécié que vous tous, parce que je l'ai trouvé vraiment bien construit. Que la fin est un peu handicapée par le fait qu'il y a des restrictions, mais c'est pas trop grave. Après, par contre, il y a l'Elimination Chamber du titre intercontinental qui est vraiment nul et le match Neville-Bodales qui sert à rien. Donc voilà, on va voir la note. Normalement, c'est un 5,5 sur 10, donc note assez bien moyenne. Payé. Voilà, bien payé pour Brucey qui a mis 4 forcément. Je vous demande pas le match de la soirée, hein, c'est soit enfin Kevin Owens versus John Cena, j'imagine pour tout le monde, ou est-ce que quelqu'un ici n'a pas de goût? Titre intercontinental dans le chamber. Ça c'est l'avis d'Auguste. On le salue, il est en train de nous écouter. il reviendra pour Money in the Bank normalement, Auguste. Si tout se passe bien. Argent à la banque, tu veux dire? D'ailleurs, voilà. Vous pouvez vous abonner sur YouTube malgré la qualité relative de nos lives en termes de connexion. On fait notre mieux des fois, voilà, les aléas. Sur Twitter, @WrestlesRadio, Facebook, pareil, WrestlesRadio. Vous pouvez rejoindre la page et liker. Comme ça, vous avez toutes les informations sur les derniers rows, etc. Archive.org pour retrouver les MP3 des podcasts. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi, je fatigue. iTunes qui est désormais remis à jour, il suffit de vous inscrire dessus, ça se met à jour automatiquement à chaque fois qu'un live apparaît. Nos partenaires Voxcatch avec Mario qui est en ligne, qui est déjà en ligne, voilà. FN Lut qui a diffusé notre dernière interview de Tyrus qui est disponible aussi sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Donc Tyrus, ancien Brodus Clay de la WWE et maintenant à la TNA. Autre partenaire British Wrestling Revival, ma chaîne de catch et Lucha Underground FR donc qui font les commentaires français, enfin qui font des commentaires français sur les shows de Lucha Underground. On vous rappelle qu'il y a tout plein d'interviews, allez voir Ajus, les catcheurs français comme Di Leo et Fischer, qui sont disponibles, et bien sûr DZP, Jeff Jarrett et bien d'autres encore. Et plusieurs autres qui arrivent aussi quand même, Pierre. Oui, il y en a plein d'autres qui arrivent. Est-ce que j'annonce? Ouais, tu peux annoncer Chris Masters pour Chris dans Masters, pas longtemps. Voilà. Et il me semble qu'un autre catcheur qui sera Justin à la Gabriel aussi, ça va se faire dans pas longtemps. Alors, des catcheurs qui seront à Global Force Wrestling, il me semble. Voilà, c'est ça. Majoritairement, donc la nouvelle fédération, en tout cas on peut l'appeler comme ça, de Jeff Jarrett. Et du coup voilà, n'hésitez pas à les recruter, on les a tous sous-titrés, si jamais c'est pas en français, voilà. Donc aucune raison. Il y aura des choses, hein, de toute façon dans le mois de juin là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y en a plein qui arrivent, il y a quelques plans qui se préparent, notamment Seb, qui nous trouve des interviews, voilà. Donc je pense qu'il est temps pour moi de rendre l'antenne. Il me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés malgré les problèmes sur ce live. Je remercierai aussi mes camarades de la soirée pour leur analyse. Bonne nuit à tous. À très vite sur Wrestles Radio, donc le 15 juin, pour le pay-per-view favori de Renault, Money in the Bank. Peut-être tu vas nous faire le theme song rapidement. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Bon, bah, voilà, magnifique. Salut à tous, à la prochaine. On refera tous. Salut les amis. Allez, salut.